dans les personnages créés, fictifs, que certaines communautés peuvent créer, on me prête un pouvoir fou que je n'ai pas. Et c'est vertigineux à chaque fois. On imagine que j'ai des relations, des portes d'entrée avec le pouvoir, que j'ai envie de dire presque Macron, c'est ma chose, quoi. Que je travaille clairement pour les plus grandes agences américaines, évidemment Mossad, mais la CIA. Il y a vraiment ce fantasme de toute puissance. Notre devoir, c'est d'être complotiste pour dénoncer les comploteurs. Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV? Qui? Ben c'est la communauté que vous connaissez bien. Ni oubli, ni pardon pour tous ces enfoirés. Rien. Sachez bien que vous allez payer. Réveillez-vous! Tout est calculé! Du complotisme, de la désinformation, du harcèlement, ça a été très très très dur. Je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Bonjour à toutes et à tous, je suis Héloïse Weiss, bienvenue dans ce nouvel épisode de Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Dans cette saison 2, vous le savez, nous donnons entre autres la parole à des personnalités devenues les cibles de la complosphère. Et aujourd'hui, cet invité, vous le connaissez bien si vous êtes des habitués de Conspiracy Watch. Je veux parler de... Tristan Mendès-France, je suis maître de conférence associé à l'université de Paris-Cité. Spécialisé dans les cultures musiques. Je collabore aussi à Conspiracy Watch et je co-anime un podcast concurrent qui s'appelle Complorama sur France Info. Aujourd'hui, Tristan Mendès-France, vous le connaissez comme un observateur de la complosphère et des extrêmes. Mais pour comprendre l'origine de son combat, il faut au moins remonter aux années 90. À l'époque, il a la vingtaine, il s'intéresse de près à l'extrême droite dans le cadre de son sujet de thèse, et aussi en tant qu'assistant parlementaire auprès d'un sénateur socialiste. La suite, c'est lui qui la raconte. Je pense que c'est ma focale sur l'extrême droite qui m'a ouvert la porte à l'inquiétude liée au discours complotiste, parce que l'extrême droite a toujours été porteur de ces théories. Moi, je m'intéressais beaucoup aux... Par exemple, au protocole des sages de Sion, hein, qui est ce faux qui était créé en début 1900 par probablement peut-être la police secrète russe. Mais bref, ce document-là qui soi-disant révélait un complot mondial des élites juives pour détruire, soumettre la planète. Il y avait dans cette littérature d'extrême droite antisémite toute la matrice des discours complotistes. Donc cet intérêt de façon assez générale pour l'extrême droite antisémite française et internationale en fait était une porte ouverte, évidente vers la mécanique des discours complotistes. This just in, you were looking at obviously a very disturbing live shot there. That is the World Trade Center and we have unconfirmed reports this morning that a plane has crashed into one of the towers. La bascule pour moi, c'est clairement les attentats du 11 septembre avec plutôt une sorte de sensation de tsunami de récits conspi. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Incroyable, inimaginable, hallucinant, les mots font défaut pour qualifier la très vaste, la très spectaculaire opération terroriste menée aujourd'hui. On va d'abord revivre les événements, le Pentagone bien sûr et surtout ces tours immenses du World Trade Center percutées de plein fouet par deux avions de ligne détournés. On a cru d'abord à un accident. Évidemment, ça a toujours existé, hein, les discours complotistes. Mais là, il y avait une sorte d'agrégation et volume qui était absolument spectaculaire, avec une multitude de récits complotistes, encore une fois, qui venaient s'agréger autour de cet événement. J'avais rarement vu, en si peu de temps, apparaître et coaguler autant de discours, parfois pas cohérents les uns avec les autres. Il y avait une vraie production collaborative, soudaine, visible, qui arrivait à se recentrer sur des forums et sur des sites, et c'était assez spectaculaire de voir cette énergie, cette dynamique se mettre en place de façon aussi massive et avec une véritable audience. J'avais été assez marqué à l'époque par un forum qui s'appelait, qui s'appelle toujours d'ailleurs Reopen 911. Reopen 911, c'est un site créé en 2004 par un millionnaire américain d'extrême droite qui réfute la version dite officielle des attentats du 11 septembre. Le site a eu sa déclinaison française dès 2006, reopen911.info. Il demande entre autres une nouvelle enquête sur les attentats. Un forum qui avait vraiment beaucoup d'audience à l'époque, qui est un site web, hein, mais qui était avant les réseaux sociaux, mais il y avait déjà cette ambiance un peu de sociabilité hein, sur ces différents forums. Et j'avais été vraiment soufflé par l'énergie et la multitude hein, des gens qui venaient quotidiennement nourrir un flux continu torrentiel de millefeuilles argumentatifs, hein, déjà effectivement à l'époque. Et c'était un terrain d'observation pour moi assez fascinant et vertigineux. D'abord parce que je n'imaginais pas qu'il y avait tant de gens qui étaient passionnés par des discours complotistes autour des attentats du 11 septembre. Et je voyais se déployer aussi toute une mécanique qui commençait à devenir intéressante à observer des modalités comme ces fameuses photos avec des cercles rouges hein, pour essayer d'identifier un signal faible qui viendrait remettre en cause la vérité officielle, hein, c'est déjà les termes qui étaient employés à l'époque, hein, le discours officiel, la version officielle, comme s'il y avait une version poussée par le système et eux qui seraient en des sortes de résistants à ce narratif imposé hein, par l'état profond, quelque chose dans le genre, quoi. Sur Internet, à l'époque, les idées et les interprétations s'entrechoquent. Voici par exemple ce qu'on pouvait y lire. L'effondrement des tours, une démolition contrôlée. L'avion écrasé sur le Pentagone, il n'a jamais existé. Quant aux Juifs, ils ont été prévenus avant la destruction des tours. Dès les attentats du 11 septembre, je sens tout de suite qu'il y a quelque chose qui se passe d'inquiétant avec cette irruption, disons, du complotisme, notamment en ligne et collaboratif. Je sens qu'il y a une dynamique inquiétante. Et très tôt, vraiment très très tôt, je pense que c'est vraiment juste après, je réalise que les personnes qui rentrent dans ces récits complotistes sont en train de se créer une réalité alternative. Ils sont en train de se faire leur propre lecture de ce moment de l'histoire. Et dans cette effervescence autour du 11 septembre, il n'y a pas qu'une remise en cause de ce qui s'est passé durant les attentats du 11 septembre. Il y a aussi une remise en cause de l'histoire un peu plus ancienne. Certains vont remonter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc, dans cette effervescence-là, je vois bien qu'il y a une sorte d'éclatement de l'histoire avec un grand H, de cette histoire commune qu'on a. Le négationnisme, qui m'intéressait déjà dans les années 90, était déjà une fissure dans cette unité, dans cette histoire avec un grand H qui fait l'unité de nos sociétés. C'est le lien hein, qu'il y a dans nos sociétés. C'est cette histoire commune qui fait qu'on vit en commun. Ce qui est assez fascinant, c'est l'intimité. Avec laquelle j'ai pu pénétrer cet espace-là. Les gens qui s'exprimaient sur ces forums parlaient entre eux. Il n'y avait pas une sensation de leur part, vraisemblablement, de s'exprimer à la planète. C'était vraiment une communauté qui discutait entre elles. Dans cette agrégation, il y avait aussi une façon pour eux de traiter l'actualité, hein, dans laquelle ils rebondissaient sur des faits d'actualité, sur des personnalités dont ils avaient lu un article de blog. Bref, il y avait toute une effervescence riche, diverse, variée, de différentes communautés idéologiques qui venaient s'agréger dessus et qui étaient intéressantes à observer parce qu'ils donnaient aussi des indications sur des passerelles idéologiques qui n'étaient pas évidentes et qui feraient surface quelques années plus tard, comme des milieux plutôt d'extrême gauche, avec des profils plutôt extrême droite, qui pouvaient se retrouver sur certains sujets, chacun en essayant d'insuffler par rapport à leurs propres préjugés, certains types de contenus. Bref, il y avait une sorte d'hybridation de groupes, de mouvances idéologiques qui commençaient à se former déjà un peu à travers ces forums. Très tôt, j'essaie d'échanger avec certains profils complotistes. essentiellement autour des attentats du 11 septembre, mais pas que. Twitter est apparu un peu plus tard, et vraiment vers 2006-2007. Mais avant, il y avait un site qui avait été lancé par Carl Zero, qui s'appelait le Web de Zero. Carl Zero, c'est le pseudonyme de Marc Télen, ancien animateur de Canal+. Une personnalité connue et appréciée dans la complosphère. Il est notamment l'auteur d'un documentaire consacré à la pédocriminalité et au prétendu réseau pédocriminel élitiste. Voici ce que Carl Zero donc disait à propos du 11 septembre 2001. C'était sur le plateau de Salut les Terriens, une émission animée par Thierry Ardisson. Sur le 11 septembre, vous y croyez, vous ? Alors, je fais partie d'une nouvelle catégorie que j'ai inventée parce que j'en avais marre qu'on dise « Ouais, mais t'es conspirationniste, ouais. etc. » Moi, je suis sceptique. Sceptique. Et contre ça, tu peux rien. Ouais. Je dis « Ça l'arrange. » Ça, c'est une évidence, ça l'arrange. Mmh. Ça les arrange. Ça leur donne une raison d'aller en Irak. Ouais. Ils n'ont rien à y faire. Ils vont quand même réussir à faire croire au peuple américain que les Irakiens ont un vague rôle avec le 11 septembre. Ils n'en ont évidemment absolument aucun. Le meilleur allié objectif de George Bush, c'est Saddam Hussein. Il combat tout ce qui ressemble de près ou de loin à un islamiste ou à un barbu. Et donc, il va, grâce au 11 septembre, il va aller en Irak. Je me dis, c'est quand même bizarre. Et sur le web de Zéro, dans le web de Carl Zéro, là, je m'étais amusé à faire une vidéo qui était une vidéo un peu trollesque sur les attentats du 11 septembre que j'ai publié sur cet espace qui est un espace de partage de vidéos mélangé à un énorme forum. Et j'étais le seul qui n'était pas complotiste dans cet énorme forum avec des centaines, peut-être des milliers de personnes qui y participaient. Et sous ma vidéo, j'avais commencé à essayer d'engager avec tous ces gens qui étaient essentiellement contre moi. Et je crois même avoir compté le nombre de commentaires que j'ai fait et que j'ai reçus en échange. Et je crois qu'il y avait plus de 1000 commentaires qui m'avaient été adressés, pour lesquels je répondais presque à chacun d'eux. J'ai essayé de répondre en essayant de contre-argumenter, en essayant de les pousser dans leur logique, en les questionnant, en leur disant « oui, mais si c'est ça, est-ce que ça veut dire que… » Et j'étais devenu à la fois une sorte de punching ball, parce que j'étais tout seul là-dessus, mais j'essayais vraiment d'engager. Voilà, j'essayais vraiment de contre-argumenter non-stop. Il y avait du trolling, il y avait un peu de méchanceté, ça c'était clair, mais ça a probablement commencé aussi à épaissir un peu mon cuir, déjà un peu à l'époque, parce que en plongeant sur ce forum qui était entièrement contre moi, j'ai commencé, je crois, clairement à m'habituer à recevoir des sauts de purin à la figure. Certains, d'ailleurs, saluaient le fait que j'étais encore là, malgré le fait que j'étais tout seul à essayer de répondre, hein, quelque part. Donc, j'ai devenu une sorte de personnalité dans ce forum-là, une sorte à la fois de punching ball et de quelqu'un qui cherchait à engager. Mais dans le process, c'était aussi, pour moi, toujours une manière d'engager, d'observer, de voir les mécaniques, de voir leur rhétorique, de voir leur la dynamique propre à leur discours, qui n'a clairement pas changé depuis. Tristan Mendès France peut engager des conversations qui durent des jours, voire des semaines. Mais il finit par réaliser que ces échanges sont vains, au point d'en arriver à cette conclusion: il est quasiment impossible de faire changer d'avis un complotiste. Durant tout mon parcours, je n'ai pas le souvenir d'avoir réussi à convaincre qui que ce soit. En tout cas, pas dans les échanges que j'ai pu avoir. Peut-être que des gens qui lisaient nos échanges, certains ont pu se dire « oui, il a l'air de bonne foi, les liens qu'il partage ont l'air relativement sérieux », mais je n'ai pas le souvenir d'avoir réussi vraiment à convaincre qui que ce soit. Les seules choses que j'ai pu faire, et c'était des choses plutôt rares, c'est de voir quelqu'un dire oui, peut-être là-dessus, ok, ouais, peut-être que t'as pas tort là-dessus, mais tout le reste, franchement, là je te suis pas. L'objectif, ce n'était pas d'essayer de rendre un néo-nazi un démocrate normal. Mon objectif, c'était vraiment d'alerter les autres, tous les autres, de leur dire il y a des franges dans nos sociétés qui sont inquiétantes, qui ont une dynamique, qui ont une traction d'audience. Donc c'est peut-être plus une posture de lanceur d'alerte et de m'adresser aux gens raisonnables. Sauf que ces engagements ne sont pas sans risque. En fait, il reçoit des attaques dès le début de son combat contre l'extrême droite. J'ai été très tôt attaqué par des groupes ou des communautés idéologiquement teintées, tout simplement parce que elles étaient dans mon viseur, et c'était plutôt l'extrême droite. Donc, en gros, au milieu, fin des années 90, déjà, j'écrivais quelques articles, des bouquins sur l'extrême droite. Et donc, j'ai été déjà identifié par certaines figures d'extrême droite, notamment sur une radio qui existe toujours, d'ailleurs, aujourd'hui, que j'écoutais à l'époque, qui s'appelle Radio Courtoisie, qui était aussi un sujet d'études assez intéressant. En 1987, Radio Courtoisie est créée par deux hommes. Le premier, c'est Jean Ferré, soutien de l'OAS, une organisation terroriste française d'extrême droite pour l'Algérie française. Le deuxième, c'est Serge de Bekech, directeur de la rédaction de National Hebdo, le canard officieux du Front National. En 2007, la radio est reprise par Henri de Lesquin, condamné pour provocation à la haine et contestation de crimes contre l'humanité. Je veux simplement que qu'on mène une politique culturelle identitaire et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale, et pas la musique nègre. Aujourd'hui, la radio se targue de réinformer ses auditeurs. Donc j'étais déjà identifié comme quelqu'un qui militait contre eux. Eux pouvaient parfois, effectivement, parler moins à la radio. Dans certains feuillets d'extrême droite, mon nom apparaissait. Donc il y avait déjà des attaques, mais qui étaient plutôt de l'ordre d'attaques antisémites ou d'un individu considéré comme quelqu'un d'extrême gauche, que je n'étais pas vraiment, assez engagé à gauche, clairement, il n'y a pas photo. Mais j'étais plutôt un ennemi idéologique et perçu aussi, évidemment, du fait de mon nom, comme quelqu'un qui est d'origine juive et avec un nom aussi assez chargé à l'extrême droite, qui faisait que, donc voilà, pour certaines communautés d'extrême droite, j'étais identifié comme un adversaire et donc je faisais déjà, à la fin des années 90, l'objet d'attaques assez dégueulasses. Mais c'était plutôt des attaques antisémite et d'une extrême droite un peu énervée. D'autant que le nom que porte Tristan Mendès France a une résonance dans l'histoire de notre pays. Premier parlementaire pressenti, M. Mendès France a enlevé l'investiture de l'Assemblée en réunissant sur son nom l'importante majorité de 419 suffrages. Il était en mesure, 37 heures plus tard, ce qui constitue un record, de présenter son cabinet au président de la République pour le cliché traditionnel. Résistant, grande figure politique, ancien président du Conseil des ministres sous la 4e République, Pierre Mendès France fut la cible d'attaques antisémites. J'ai toujours su, mes parents savaient qu'ils étaient juifs, bien que mon père était non seulement pas pratiquant, mais presque, enfin je dirais un peu anticlérical, un peu anti-religieux. Et je n'ai pas reçu une éducation religieuse. Mais bon, je savais que j'étais juif, et si je l'avais oublié, il y aurait toujours eu des gens pour me rappeler. Et ça a joué un rôle, bien sûr, plus tard. C'est évident que lorsque j'ai eu des responsabilités à prendre, les adversaires politiques ne manquaient pas d'utiliser toutes les armes, y compris l'antisémitisme, contre moi. Ces attaques se sont répétées des décennies plus tard contre son petit-fils. Exemple, en juin 2021, avec l'hebdomadaire négationniste Rivarol. Pour m'attaquer, ils ont envoyé une formule qui était Mendès anti-France. Plutôt que Mendès France. Bon, why not? Sauf que c'est ma mère qui m'a rappelé ça quand je lui ai montré la une de Rivarol. Elle m'a dit mais attends, Rivarol avait déjà employé ce terme-là avant. Mais pour ton grand-père. Et en fouillant un peu dans les archives, on a retrouvé une de Rivarol de 1982 au décès de mon grand-père. Où, là aussi, il l'avait qualifié de Mendès anti-France. Et donc, c'était fou de voir, je sais pas, 40 ans après, ou je ne sais pas combien d'années après, de voir qu'ils avaient employé la même terminologie pour me dénigrer, le même mot, le même véhicule symbolique pour m'attaquer, la même formule, Mendès anti-France, pour parler de mon grand-père lors de son décès en 82, et moi, passer les années 2020 pour essayer de me dénigrer. Ce qui est assez aussi déroutant, c'est de voir que les attaques qu'il y avait contre mon grand-père, les attaques antisémites, portaient souvent sur le physique. Mais c'est un grand classique dans l'antisémitisme, j'allais dire historique. Hein, évidemment, hein, on parle évidemment du nez hein, des Juifs. Et donc Pierre Mendès-France lui-même avait été beaucoup attaqué sur son physique. Et Dieu sait que Jean-Marie Le Pen avait dit des choses ordurières sur le physique de PMF. Et je dois dire que moi aussi, évidemment, j'ai aussi été attaqué sur mon physique. Et que ce soit sur les dessins d'Henri Varol, où j'ai un nez protubérant, il se trouve que j'ai un nez protubérant. Mais là, il était vraiment de façon dessiné de façon très, très caricaturale, clairement un clin d'œil, évidemment, à toute cette fantasmagorie, tout cet imaginaire antisémite. Mais je l'ai vu se déployer dans des espaces beaucoup plus surprenants. Et là, c'est là où la complosphère permet la circulation de motifs parfois antisémites qui peuvent se répandre dans d'autres espaces idéologiques. C'est vraiment des vecteurs puissants de transfert de motifs antisémites. Et les attaques sur le nez, je l'ai vu apparaître de façon spectaculaire, étrangement, dans des tweets de Booba. Booba, c'est l'un des rappeurs français les plus célèbres. Il a vendu plusieurs millions d'albums. Booba a commencé à s'amuser, à me critiquer, parce qu'il me perçoit comme un agent du système, notamment autour du Covid, parce que je l'avais critiqué sur certaines des positions qu'il avait pu avoir. Et plutôt que m'attaquer un peu sur le fond, il m'a attaqué sur le physique et sur le nez, en faisant des blagues oiseuses ou des références oiseuses sur mon nez. Et ça a été assez dingue, parce que il a quand même plus de 6 millions d'abonnés et plein de gens qui le suivent, qui ne sont pas forcément des gens idéologiquement fortement teintés. Mais j'ai vu toute une masse de gens, des fans de Booba, s'amuser à rigoler sur mon nez. Sans réaliser que, je veux dire, quand on porte le nom que je porte, si on fait une blague sur mon nez, franchement, les gens qui ont un tout petit peu de culture historique se disent tout de suite, ça, c'est, il n'y a pas photo, ça, c'est quand même un gros cliché antisémite. Un énorme cliché antisémite. D'autant qu'on a, je me suis amusé à ressortir à cette époque-là, des images de l'exposition anti-juive qui avait été organisée durant Pétain. Il y avait une énorme expo sur comment on reconnaît les juifs. Et à l'époque, il y avait une photo de mon grand-père. Pendant les 3 premiers jours, 13 000 personnes ont visité cette remarquable exposition où se trouvent rassemblés les documents, les photographies démontrant le péril juif dans tous les domaines de l'activité nationale. Ces graphiques, ces tableaux, ces statistiques donnent véritablement le vertige. Ils prouvent combien la France, victime de sa générosité et de sa traditionnelle hospitalité, surtout depuis 1936, s'était enjuivée. Et dans cette même exposition, un énorme moulage avec un nez protubérant de juif sur comment reconnaître les juifs. Donc c'est quelque chose qui a quand même impacté profondément l'histoire et l'imaginaire français. Bref, je vois Booba qui lui-même se réapproprie ce motif et qui après, je crois qu'il y a aussi Azelbert qui s'est amusé à faire un jeu de mots pareil sur mon nez. Xavier Azelbert, c'est le patron du site conspirationniste France Soir. Donc, c'est dingue de voir ces motifs poussiéreux avec une histoire extrêmement longue qui a des racines profondes dans l'imaginaire antisémite très lointain français, revigoré dans l'espace de la complosphère, réinjecté, qui reprend vie à travers des attaques antisémites contre moi et mon physique et mon gros nez. Ce qui je trouve assez vertigineux, c'est la bascule qu'il y a eu avec à la fois le web et particulièrement les réseaux sociaux, où là, soudainement, mon sujet d'étude m'a éclaté à la figure. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pouvais pas parler de ce sujet sans que ce sujet vienne m'interpeller, véritablement. Dans les années 90, lorsque je parlais de l'extrême droite, l'extrême droite ne parlait pas de moi quotidiennement. Il pouvait y avoir une irruption soudaine dans un article ou sur une émission de radio où mon nom pouvait être mentionné. Mais ça restait quand même assez distant. Il n'y avait pas un engagement quotidien, il n'y avait pas une proximité entre moi et mon sujet d'étude. À partir du web, et particulièrement des réseaux sociaux, là, soudainement, ce sujet d'étude s'est rapproché de moi. Il y a eu une sorte de... il est rentré dans mon intimité. Ce que je veux dire par là, c'est que je ne pouvais pas parler de ces figures d'extrême droite, racistes, antisémites, complotistes, sans que, instantanément, elles viennent m'interpeller et que sa propre communauté vienne m'interpeller. Et ça, ça a véritablement changé mon rapport à mon sujet d'étude parce que c'est devenu une sorte de relation... c'est-à-dire quasi physique, organique plutôt, c'est ça le terme. C'est devenu il y a une sorte de lien organique qui s'est créé entre ceux que je dénonce et moi. Et sur les réseaux sociaux, sur les sites conspirationnistes, Tristan Mendès France découvre alors une autre image de lui-même. Dans les personnages créés, fictifs, que certaines communautés peuvent créer, on me prête un pouvoir fou que je n'ai pas. Et c'est vertigineux à chaque fois. On imagine que j'ai des relations, des portes d'entrée avec le pouvoir, que j'ai envie de dire presque Macron, c'est ma chose, quoi. Que je travaille clairement pour les plus grandes agences américaines, le monde Mossad, mais la CIA. Il y a vraiment ce fantasme de toute puissance. Il y a ça, le fait que aussi, c'est une sorte d'héritier d'une famille riche, mondiale. Un peu, je pense qu'il y a d'abord cet imaginaire d'élite juive, encore une fois, une sorte de Soros, milliardaire, quelque part. Ce qui n'est pas du tout le cas. Mais c'est vraiment cette image de toute puissance qui est folle si il voyait l'envers du décor, qui est vraiment... D'un artisanat qui est dingue. Je suis chez moi, sur mon ordi, avec ma petite souris en train de cliquer sur des trucs. Je suis vraiment comme n'importe qui devant cet ordinateur, ce à quoi j'ai accès. Tout le monde y a accès, quasiment tout le monde y a accès. Je suis en fait une grande, grande normalité dans ma vie quotidienne. Les gens seraient très surpris du fait que je suis très casanier, je suis pas forcément quelqu'un d'extraordinairement sociable en plus, donc j'ai une vie plutôt d'asset assez basique dans son quotidien. Et le différentiel entre l'image folle, presque romanesque, que s'imaginent certaines communautés complotistes, je me dis waouh, j'aimerais bien vivre ça en fait. Parfois, c'est vrai, ces accusations peuvent prêter à sourire. Quand d'autres désarment et plongent dans l'effroi. Une des attaques probablement les plus abjectes et les plus... Oui, les plus abjectes et les plus dures à vivre sont celles qui portent sur une accusation de pédocriminalité. D'accuser l'adversaire d'être un pédocriminel. Et c'est une attaque systématique de la complosphère. Dès qu'on dénonce des accusations folles et fausses de pédocriminalité envers telle ou telle personnalité. Quand on commence à évoquer le simple fait que non, cette personne n'a pas été accusée de pédocriminalité, instantanément, dans la complosphère, on est perçu comme étant des soutiens à la pédocriminalité, et donc qu'on est nous-mêmes des pédophiles. Cette attaque-là, elle est dure à vivre parce qu'il n'y a pas de réponse qui soit bonne. Si on répond dans un tweet « Non, je ne suis pas un pédophile », ça n'a aucun sens. Il n'y a que la justice qui peut dire si quelqu'un est un pédocriminel ou non. S'en défendre, c'est déjà rentrer dans le jeu de l'accusation. Donc, on ne répond pas à ces accusations. Mais elles restent là, comme une tâche, surtout quand on est père, comme moi, quelque chose qui laisse un goût amer et qui est inquiétant. Pourquoi ? Parce que dire que quelqu'un est un pédophile ou un pédocriminel, ça imprègne la rétine de ceux qui lisent ces messages-là. Et c'est probablement le crime le pire qui existe. On ne peut pas faire pire que la pédocriminalité. Ceux qui croient, qui rentrent dans ce délire complotiste en disant, tiens, un tel a été accusé de pédocriminalité, les pédocriminels, c'est sûr, il n'y a pas photo. Je suis sûr qu'il est, il doit l'être. Ça abaisse considérablement le seuil de raison de ceux qui suivent ces communautés-là. Et ça augmente considérablement la virulence de ceux qui vous attaquent. Ce qui est inquiétant aussi, c'est que les complotistes s'intéressent aux autres membres de la famille de Tristan Mendès France. Exemple sur Égalité et Réconciliation, un site fondé par le polémiste antisémite Alain Soral. Soral a décidé de faire un papier sur moi. Il en avait déjà fait plusieurs, d'ailleurs, encore avant. Mais ce papier-là se voulait plus complet, global, à ses yeux. Et voulait essayer de voir un peu quels étaient les réseaux qu'il y avait autour de moi. Et pour ça, il a commencé à faire un travail, à fouiller dans mes relations familiales, en fait, tout bêtement. Et il a listé les gens de ma famille. Et on est une petite famille. On se reproduit peu chez les Mendès France, donc on n'est pas très très nombreux. Et donc, il a simplement listé, encore une fois, le nom de ma sœur, de son compagnon, ma femme, mes beaux-parents, des cousins. Bref, il a commencé à essayer à mettre à plat. D'ailleurs, des gens avec qui j'ai des relations pas forcément super proches, d'ailleurs, en plus, dans la famille. Mais bref, bon, en tout cas, il les a nommés jusqu'à mes gosses, d'ailleurs, aussi. Et ça a été... Ça a été assez déstabilisant. D'abord parce que j'étais contraint de protéger mes proches, les protéger. J'ai rien à faire, je peux rien faire, à part essayer de les rassurer. Donc j'étais contraint d'être dans une position de « mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de conséquences graves, c'est des mots, c'est rien n'en sortira, vous inquiétez pas. » Mais j'en étais réduit à ça, quoi. C'est pas dans mon engagement idéologique, c'est mon rôle, c'est pas de rassurer mes proches, c'est pas ça que j'ai envie de faire, quoi. Donc c'est pas une posture agréable. Le fait d'être dans une posture où j'essaie de les rassurer, ça les inquiète, parce que ils se demandent pourquoi est-ce que je veux les rassurer. Donc, eux, ils n'ont pas les codes, ils ne voient pas ce que moi j'observe. Donc, en nous voyant venir vers eux, en essayant de les rassurer, ça, je pense que ça les a aussi inquiétés, en fait. Donc, bref, j'étais dans cette démarche-là autour de moi, tout en étant fondamentalement pas totalement rassuré. Ce que je viens par là, c'est que j'imagine bien qu'il n'y a pas de risque majeur. Je ne suis pas une des personnalités les plus exposées. Je sais que s'il y a des choses qui peuvent se passer, franchement, je ne suis pas sur le devant de la scène. Il y a malheureusement plein d'autres figures de personnalités connues qui sont, elles, beaucoup plus exposées que moi. Mais il y a toujours l'inquiétude du hasard que dans cette effervescence, dans ce bouillonnement et dans cette... Dans cette visibilité significative que peut avoir un Soral, d'ailleurs, qui est quand même l'un des sites les plus, qui a une audience de folie, des millions de visiteurs par mois, quoi, que dans cette masse de gens, dont 99,99% des gens qui sont dedans ne me causeront jamais tort, mais il reste les 0,0001% de gens qui sont peut-être des personnes fragiles, qui sont peut-être des personnes qui ont des problèmes psychologiques, et qui, elle, en lisant ses propos orduriers, qui me caricature dans un personnage que je ne suis pas, qui me donne un pouvoir que je n'ai pas, hasard de la vie, si jamais je devais les croiser, il y a une petite inquiétude. Donc c'est plus une question de probabilité, qui est extrêmement faible, mais qui est là, qui fait que, comme une épée de Damoclès qui pend, voilà, qui fait que dans ces moments-là, on n'est pas forcément à l'aise. Mais sa propre inquiétude, Tristan Mendès-France, lui, ne la partage pas. Je les protège de tout ça et j'en parle pas, ce qui est d'ailleurs assez, sur un parcours personnel, humain, c'est assez étrange d'avoir un centre d'intérêt aussi énorme dans sa vie, qui est un sujet qu'on évoque quasiment pas avec ses proches. On les préserve de ça. Et c'est un peu étrange ce que je vais dire, mais je fais un parallèle avec mon père, qui était un chercheur en maths. Et je me rappelle lui avoir dit il y a des années, ça doit être très étrange que toute ta vie tourne autour d'une matière qui te passionne, qui te fascine. Tu vis toute ta vie autour des maths, et c'est quelque chose que tu ne peux pas partager avec ceux que tu aimes le plus. Bizarrement, je suis un peu dans ce registre-là, avec mes proches. Il y a tout un univers que j'observe, qui est peu ragoûtant, j'en conviens, qui est assez anxiogène, que je ne partage pas avec ceux que j'aime le plus autour de moi. Et au bout de 30 ans de données compilées, disséquées et analysées, quelles conclusions est-ce qu'on peut tirer ? J'ai la sensation de voir se concentrer tous les signaux et les symptômes de nos sociétés malades. Et les signaux sont au rouge. On le voit, on le sent, on le constate absolument tous. Et donc, je crains que dans les mois, les années qui viennent, l'assiette, la superficie de ce terrain d'observation est en train de s'élargir et de contaminer des sphères qui n'étaient pas contaminées jusqu'à présent. Des sphères de pouvoir. On peut pas parler de la première puissance américaine. Mais de voir cette métastase planétaire de la complosphère, c'est vraiment un signal inquiétant. On a tous ce sentiment d'inquiétude. Je pense qu'on est tous saisis un peu par ce moment actuel de vertige. Mais quand on l'observe par la frange, par la grille de lecture de la complosphère, c'est encore plus inquiétant. C'est encore plus inquiétant. Et pour les dizaines d'années que j'observe la complosphère, il y a une chose que je garde à l'esprit, c'est que les mouvances qu'on voit de fond, les lames de fond qu'on voit apparaître dans la complosphère sont des choses qui sont à la fois pérennes, peuvent durer dans le temps, voire augmenter. Et pour ce que j'en observe aujourd'hui, j'ai peur qu'on en soit un peu qu'au début. Vous venez d'écouter Réveillez-vous, le podcast de Conspiracy Watch. Merci à Tristan Mendès-France pour son témoignage. Cet épisode a été écrit, monté et réalisé par Héloïse Weiss et préparé avec l'aide de Victor Motin. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur vos plateformes d'écoute préférées et n'oubliez pas de vous abonner pour être averti des prochaines sorties. Si vous aimez le podcast, vous pouvez aussi le partager et nous laisser 5 étoiles pour le faire connaître et faire un don sur notre page Ulule.